AXS, Antilops, Apocalypse, ATK, Antilops, Estisel, Estisel, Antilops, AXS, on passe dans l'interstice physique. Même si mon corps est seul aujourd'hui face à l'adversité, même si l'apocalypse arrive et balaye toute notre cité, elle balayera pas nos idées, toutes celles que j'ai déjà citées. Et quoi qu'il arrive, Apocalypse gardera sa capacité à lâcher des versets sans lâche, juste pas atteindre ses cités, à lâcher les jaloux, les lâches, commettre des atrocités. Antilopsaxis, créateur d'une vraie complicité, forme l'apocalypse et tu pourras que nous féliciter. J'ouvre les yeux, un monde à la dérive, des pays qui leur haine délivrent, des tueurs en série, des pédophiles skin piant devant la croix gammée, qui se dernier père incestueux, situation trop anarchique. Jeune enragé dans le ghetto, litre de sang affluent sur le béton, brebis cloné. On veut refaire un monde, le nom de Dieu nous donner, créer nos propres créatures, adultérer les choses de la vie, adversité en satire. Nos textes sont comme des putains de satire, taux de suicide trop élevé. La raison, le chômage atteint le paroxysme. Époque de fou, époque de foi, anomalie dans le siècle trop défaut. Il reste que nous deux à relever le défi. Fils survivent dans un monde de fous. AXIS, Antilopsa, Apocalypse, fils, ATK, 9-8, 9-8.